أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Donc le 29e hadith, c'est le hadith de Mu'ad ibn Jabal radiallahu anhu. Il a dit: j'ai dit une fois, ô messager d'Allah, indique-moi une œuvre qui me fera entrer au paradis et qui m'éloignera du feu. Au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de répondre: tu viens d'interroger sur une affaire énorme qui est pourtant aisée pour celui à qui Allah tabaraka wa ta'ala l'a rendu aisée. Tu adores Allah sans rien lui associer. Tu accomplis la salat, la prière. Tu acquittes la zakat, le monde légal. Tu jeûnes le mois de Ramadan et tu fais le pèlerinage. Puis il ajouta: veux-tu que je t'indique les portes du bien? Le jeûne est un rempart. L'aumône éteint les péchés de la même manière que l'eau éteint le feu. De même la prière de l'homme au cœur de la nuit. Puis il a récité, sallallahu alayhi wa sallam, les versets dans Surat Sajda, versets 16 et 17, qui sont dans le sens: leurs flancs se détachent du côté de leur lit pour invoquer leur Seigneur dans la crainte et l'espoir, et sur notre attribution, ils font dépense. Nulle âme ne peut connaître ce qu'on a réservé pour eux comme fraîcheur des yeux en récompense de ce qu'ils faisaient. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: veux-tu que je t'indique la tête de l'affaire, son pilier et son sommet? Bien sûr que oui, envoyé d'Allah, dis-je. La tête de l'affaire, c'est l'islam. Son pilier est la salat, est la prière. Et son sommet est le jihad, le combat sur le sentier d'Allah. Il dit ensuite: veux-tu que je t'indique l'élément essentiel dans tout cela? Je dis bien sûr que oui, ô messager d'Allah. Il saisit sa langue et dit: mets un frein à celle-ci. Je dis: ô messager d'Allah, pourrions-nous être punis pour ce que nos langues disent? Au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de répondre: que ta mère te perde. Qu'est-ce qui fait culbuter les gens sur leur visage, ou il a dit sur leur narine, dans le feu, si ce n'est ce que leurs langues ont moissonné? Ce hadith, il est rapporté par l'imam Tirmidhi rahimahullah dans son Jami' et Ibn Majah dans Sunan, avec une chaîne de transmission faible, mais il a été rapporté par plusieurs autres chemins, autres voies de transmission, qui sont toutes interrompues. Et certains savants du hadith voient que, en se basant sur toutes ces versions, on peut dire que le hadith est acceptable. Ce hadith, dans lequel on voit Mu'ad ibn Jabal interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la manière d'agir pour entrer au paradis et être préservé du feu. Quand on lit les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la vie des sahaba, on peut s'étonner que les questions qui sont posées sont toujours des questions semblables. Comment gagner la satisfaction d'Allah? Comment être préservé du feu? Comment entrer au paradis? Comment atteindre la piété? Comment? Il ne demandait pas les limites. Est-ce que c'est sûr que cette chose est haram ou halal? Est-ce que cette chose est haram ou halal? Les questions des gens aujourd'hui, c'est que ça. Haram ou halal? La religion, pour eux, ça se résume haram ou halal. C'est pas comment je peux gagner le paradis, comment Allah il va être satisfait de moi, comment Allah va me pardonner mes péchés. Ça, c'est des questions qui leur passent même pas par l'esprit. Pourquoi? Parce que la motivation des gens aujourd'hui, c'est ce qu'il y a entre leurs deux jambes et ce qu'il y a dans le ventre. C'est pas l'au-delà. Donc leur question, elle est liée à leur objectif. Ce qu'il y a dans leur, pour leur ventre et ce qu'il y a entre leurs jambes, c'est tout. Les questions, elles tournent toujours autour de ça. Du ventre et des relations. Toujours. Parce que les objectifs ne sont pas les mêmes. Quand on lit les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la première chose qu'il faut se poser comme question. Est-ce que moi, mes questions, mes soucis, mes objectifs sont les mêmes que les questions, les soucis, les objectifs que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que les meilleurs siècles? Et on comprendra pourquoi Allah les a élevés, eux, et pourquoi nous, aujourd'hui, on n'est pas comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait de ses soucis un seul souci, le souci de l'au-delà, Allah lui suffira pour les soucis de ce bas monde et de l'au-delà. On travaille dans la vie, on fait des choses, mais notre objectif, ça doit être gagner la satisfaction d'Allah. On doit savoir que cette vie n'est qu'un passage. À n'importe quel instant, on doit partir. Alors on doit se tenir prêt à cela. Quand on veut se tenir prêt à cela, on pose des questions, comment y arriver? Ça, c'est la première remarque qu'on peut faire. Ce n'est pas le seul ici. D'autres hadiths, ô messager d'Allah, quelle est l'œuvre la plus aimée chez Allah? Ça, c'est une question. Quelle est l'œuvre la plus aimée chez Allah? Ça, c'est une question. Je ne dis pas que demander le halal et le haram, ce n'est pas des questions. Ça montre que la personne, elle s'inquiète du halal et du haram. C'est bien. Mais ça montre l'intérêt. Le centre d'intérêt, il est où? Entre la personne que les questions du halal et du haram, elles sont que liées aux choses matérielles et aux plaisirs, et la personne qui pose des questions de comment gagner les hauts degrés. On voit la différence de centre d'intérêt. Il y en a, ils ne posent même pas la question du halal et du haram. Ceux-là, ils sont, c'est encore plus loin. Nous, on parle là du cercle des gens qui, Inch'Allah, sont dans le droit chemin en général. On ne parle pas du cercle des gens qui ne posent même pas la question du halal et du haram. Et malheureusement, ils sont beaucoup aujourd'hui. Donc, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu qu'il vient d'interroger sur une affaire énorme. Bien sûr, c'est une affaire énorme. C'est l'objectif pour lequel Allah nous a créés. Mais pourtant, elle est aisée pour celui à qui Allah a rendu les choses aisées. Effectivement, celui qui prend appui auprès d'Allah, il demande l'aide d'Allah, il s'arme de sincérité, d'effort et de patience, Allah va lui faciliter l'accès au paradis, l'accès aux œuvres qui le mènent au paradis. Il lui a d'abord cité les piliers de l'islam en remplaçant les doubles attestations de foi par « tu adores Allah et tu ne lui donnes pas d'associé ». Car c'est dans ce sens-là. Et c'est sous-entendu l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah. Car adorer Allah, ça doit se faire de la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Tu accomplis la salat, tu acquittes la zakat, tu jeûnes le mois de Ramadan et tu fais le pèlerinage. Donc il lui a d'abord annoncé que si tu veux le chemin du paradis, il faut commencer par les bases, par les fondements. Et pas les fondements ne sont pas construits et tu vas construire des fenêtres. Tu les mets sur quoi les fenêtres? Il n'y a pas de fondement, il n'y a pas de mur. Tu les accroches dans le ciel. Le toit, tu le mets sur quoi? Donc on voit beaucoup de musulmans, par exemple, saints, se donner une grande importance à des actes surérogatoires, alors qu'ils ont une négligence sur les piliers. D'ailleurs, le hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith divin, où Allah tabaraka wa ta'ala dit, mon serviteur ne s'est pas rapproché de moi par une meilleure chose que par ce que je lui ai rendu obligatoire. Puis il ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Donc on voit que les œuvres surérogatoires viennent en deuxième position, après les obligations. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a rappelé avant tout les obligations, les piliers. Puis il lui a dit, Veux-tu que je t'indique les portes du bien ? Sous-entendu, parmi les œuvres surérogatoires. C'est-à-dire, maintenant qu'on t'a cité les obligations, veux-tu que je t'indique les portes du bien concernant les œuvres surérogatoires ? Il lui a dit, le jeûne est un rempart. L'aumône éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. De même que la prière de l'homme au cœur de la nuit. Au cœur de la nuit, c'est-à-dire la moitié de la nuit, en pleine nuit. Puis il a récité les versets du Coran où Allah tabaraka wa ta'ala vante les gens dont leur côté fuit les lits. Leur côté fuit les lits pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala par crainte et par espoir. Puis, au prophète sallallahu alayhi wa sallam de continuer à énumérer les vertus et la valeur des actions en islam. En lui disant, veux-tu que je t'indique la tête de l'affaire, son pilier et son sommet? Bien sûr que oui, envoyé d'Allah, dit Mu'adh. Dit la tête de l'affaire, c'est l'islam. Son pilier est la prière et son sommet est le combat dans le sentier d'Allah. Puis il lui dit, veux-tu que je t'indique l'élément essentiel dans tout cela? C'est-à-dire, la base et ce qui va t'aider à mettre en pratique toutes ces actions. Quelque chose d'essentiel. Il a dit bien sûr au messager d'Allah. Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris sa langue avec sa main. Et il a dit, mets un frein à celle-ci. Mets un frein à celle-ci. Mu'adh lui a dit, ô messager d'Allah, est-ce qu'il y en a qui seront punis, qui seront châtiés à cause de leurs paroles? Et il lui a dit, que ta mère te perde. Quelqu'un va dire, subhanallah, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à quelqu'un, que ta mère te perde, c'est-à-dire que tu meurs. Ça, c'est chez les Arabes, ça s'appelle de faire la dua dans le sens contraire. C'est-à-dire, c'est une manière de parler chez les Arabes, que ta mère te perde, c'est-à-dire que tu sois préservé. Ça ne veut pas dire que ta mère te perde réellement. Donc, c'est connu chez les Arabes certaines invocations. Quand par exemple quelqu'un, il a fait quelque chose de bien, il récite bien, ou mashallah, il a fait quelque chose, les Arabes disent « Qatalahullah !» Qu'Allah te combatte. Mais c'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens contraire. Donc ça existe dans la langue arabe, cette figure de style d'invoquer au contraire de la chose qu'on demande. Mais c'est connu, c'est certaines expressions connues, c'est pas n'importe quelle expression. C'est certaines expressions connues, et c'est connu dans le langage et dans la manière dont c'est utilisé qu'on comprend qu'il fait dua pour toi, il ne fait pas dua contre toi. Pareil, en dehors de la dua, comment on appelle une personne aveugle? Rajulun basir. On dit, quelqu'un qui voit très bien. On l'appelle comme ça, une personne aveugle. Basir, huwa basir. Donc si toi, tu vas sur Google Traduction, quelqu'un t'a dit, j'ai rencontré Rajulun basir dans la rue, tu vas dire, ah oui, il a rencontré quelqu'un qui voit très bien. Non, ça veut dire qu'il a rencontré un aveugle. Ceci fait partie justement de la finesse de la langue arabe. Et l'importance aussi de comprendre justement que personne ne peut se permettre d'expliquer les textes religieux sans la maîtrise de la langue arabe. Et c'est bien rigolo de voir des gens qui lisent à peine l'arabe, qui comprennent à peine l'arabe, qui donnent des explications de l'islam comme ça dans leur langue, que ce soit en français ou en anglais ou n'importe quelle autre langue. C'est impossible. Dans une langue autre que l'arabe, on peut apprendre les bases de notre religion, avoir une culture générale, c'est-à-dire ce qui suffit pour pouvoir être un bon musulman. Mais quand on veut être un étudiant en science, ou bien faire la fatwa, ou répondre aux gens, ou enseigner, ou pousser dans la science, ce n'est pas possible sans la maîtrise de la langue arabe. C'est impossible. C'est une obligation pour toute personne qui veut pousser dans la science de maîtriser la langue arabe. Sinon, il va faire dire au Coran son contraire. Et il va faire dire à la sunna son contraire. Et il va s'égarer, il va égarer les gens. Donc, il lui a dit que ta mère te perde. Est-ce que les gens ne sont pas jetés sur leurs narines en premier, sur le feu, que à cause de ce que leur langue moissonne. Et en langue arabe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé hasa'idu al-sinatihim. Hasa'id, c'est ce que la personne moissonne, c'est-à-dire qu'il coupe quand il coupe le blé, n'est-ce pas, pour moissonner. Pourquoi il a utilisé ce mot hasa'idu al-sinatihim? Les savants ont dit c'est parce que ce qui est visé ici, c'est par les paroles dans lesquelles il a, on va dire, il a pris une position ferme, il a coupé, comme s'il avait coupé au sens figuré, en parlant en mal de quelqu'un, en le critiquant, ou en faisant de la calomnie sur lui, ou en faisant de la médisance, ou en parlant sur lui sans droit, en disant du mal sur lui sans droit. Ici, c'est ce type de parole qui est visé. C'est-à-dire, les gens sont jetés au feu à cause des mauvaises paroles qu'ils disent sur les gens. C'est ça le sous-entendu « hasa'idu al-sinatihim ». Ce que leurs langues ont coupé, ont moissonné. C'est-à-dire comme s'il est venu avec sa langue, il a moissonné les gens. Il a parlé, comme ils disent même dans le langage de la rue, ils disent il l'a coupé ou ils disent des paroles dans ce genre-là. Hein. Il l'a taillé, ils disent, n'est-ce pas? Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Il l'a blessé avec sa langue. Non. Donc ce hadith, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré le chemin qui mène au paradis et qui préserve de l'enfer, et que c'est un chemin facile pour celui à qui Allah a facilité, c'est-à-dire la personne sincère qui demande l'aide d'Allah et qui s'arme de patience dans le chemin de la constance, et que ce chemin, c'est d'abord de pratiquer correctement les piliers de l'islam, puis de faire des efforts dans les œuvres surérogatoires tout en délaissant les interdits, et en faisant parmi ces interdits qu'il faut délaisser et qui ont un effet sur toutes les œuvres et sur le cœur, c'est le fait de ne pas délier ou dénouer la langue de manière à ce qu'elle parle comme elle veut sur les gens, que ce soit par médisance, par calomnie, par colportation ou toutes les mauvaises paroles que l'on dit avec la langue sans droit. On dit bien sans droit parce qu'il y a une partie de paroles qu'on dit en mal sur les gens qui font partie du droit. Par exemple, si on parle d'une personne qui fait du mal aux musulmans ou qui transmet des innovations ou des croyances erronées, parler en mal de lui, ce n'est pas sans droit, c'est une obligation pour ceux qui en ont la capacité. On ne dit pas tu fais de la médisance. Ce n'est pas de la médisance. Ça, c'est du combat sur le sentier d'Allah. C'est comme si quelqu'un il allait combattre pour défendre l'islam des ennemis qui attaquent les musulmans, et on va lui dire t'es un meurtrier. Est-ce qu'un combattant qui combat, qui défend l'islam, on l'appelle meurtrier? Non, un meurtrier, c'est celui qui tue sans droit. C'est la même chose. Celui qui parle avec science et justice sur des innovateurs ou sur des gens qui attaquent l'islam, alors c'est un combattant sur le sentier d'Allah, et on ne dit pas qu'il fait de la médisance. Al-Hadith al-Thalathoum عن أبي ثعلبة الخشاني جرثومة ابن ناشئ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. Le 30e hadith. Selon Abu Tha'laba al-Khushani, Jurthum ibn Nashir radiyallahu anhu. Il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, certes, Allah le Très-Haut a imposé des préceptes, ne les délaissez pas. Il a fixé des normes, ne les transgressez pas. Il a interdit des choses, ne les profanez pas. Et il s'est tu à propos d'autres choses par miséricorde à votre égard, non pas par oubli, ne cherchez pas après elles. Ne cherchez pas après elle. Ce hadith rapporté par Ad-Darqutni avec une chaîne de transmission faible. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, parce que comme il y a une chaîne de transmission faible, on dit aurait dit, on ne dit pas a dit, où il aurait partagé les règles religieuses en quatre catégories. Et il a donné l'obligation du musulman concernant chacune de ces catégories-là. La première catégorie, les obligations. L'obligation pour le musulman concernant les obligations, c'est de ne pas les délaisser, de ne pas les négliger. La deuxième catégorie, ce sont les limites sacrées, les normes. Et ce qui est voulu ici dans le hadith par les limites sacrées ou les normes, c'est ce qu'Allah a autorisé. Alors, ce qu'Allah a autorisé, cela concerne les obligations, les œuvres surérogatoires et les choses licites. Et les choses licites. Et ceci revient à quand Allah tabarak wa ta'ala dit « Tilka hududullahi fala ta'taduha » Ceci sont les limites sacrées d'Allah, ne les transgressez pas. Donc ce qui est obligatoire en cela, c'est de ne pas transgresser et dépasser la limite de ce qui est permis. La troisième catégorie, ce sont les interdits. Et l'obligation du musulman concernant les interdits, c'est de les délaisser et de ne pas s'en approcher. De les délaisser, de ne pas les, et de ne pas s'en approcher, de s'en éloigner. Donc quand on dit on ne s'approche pas, ça veut dire on ne les pratique pas. Si, on ne peut pas les pratiquer si on ne s'approche pas. N'est-ce pas? Ne pas s'en approcher, c'est des précautions encore plus grandes que de dire ne pas les pratiquer. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, nous interdit de suivre les pas de shaytan. La tattabi'u khutuwati shaytan. Les pas de shaytan. Car shaytan, il commence par un petit interdit ou par quelque chose de détestable pour te pousser vers quelque chose qui est interdit mais moins grave que celui qui vient après, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il te mène dans le grand péché. Et la quatrième catégorie, c'est ce sur quoi Allah s'est tu. C'est-à-dire qu'il n'a pas donné de statut juridique dessus, ni licite, ni illicite. Et ça, ça fait partie du pardon d'Allah et de sa miséricorde. Ce n'est pas par oubli. Ce n'est pas par oubli. Quand on dit ici, Allah s'est tu sur cette chose, ce n'est pas le fait que Allah a gardé le silence. C'est-à-dire parmi les qualités et les attributs d'Allah, Allah, il parle. Ici, c'est dans le sens qu'il n'a pas exprimé le statut juridique de cet acte. Il n'a pas dit s'il est halal ou haram. Et sur ce sujet, il y a unanimité entre les gens de la sunna d'affirmer qu'Allah se tait sur des choses dans ce sens-là. Dans le sens où il se peut qu'il ne donne pas de statut juridique sur certaines choses. Par miséricorde et non pas par oubli. De même, quand on dit dans le Coran, Allah les a oubliés. Nasullaha fanasiyahum. Alors qu'il y a des versets qui disent وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّ Ton Seigneur n'est pas, ne l'oublie pas. Et dans d'autres versets, ils ont oublié Allah, Allah les a oubliés. Donc cet oubli, il a deux sens. Il y a un sens qu'on n'attribue pas à Allah. C'est le fait d'oublier une chose, de ne pas la connaître, d'en être distrait. Allah tabaraka wa ta'ala, il n'est distrait d'aucune chose. Il n'oublie pas, subhanahu wa ta'ala. Par contre, le deuxième oubli, le fait que quand ils ont oublié Allah, Allah les a oubliés, c'est-à-dire, il les a délaissés avec science. Il les a délaissés. Oubliés dans le sens, oublie-le, c'est-à-dire délaisse-le. Non pas le fait que la personne, elle a perdu conscience concernant cette chose, ou bien il en a été insouciant. Allah Ta'ala n'est insouciant d'aucune chose, subhanahu wa ta'ala. Il connaît toute chose. Et il n'oublie rien. Il n'oublie pas, subhanahu wa ta'ala. Donc de même ici, quand il lui a été attribué que Allah Ta'ala se tait sur des choses, ce n'est pas le fait qu'il arrête de parler, car Allah parle quand il veut, comme il veut. Mais c'est le fait qu'il n'a pas donné de statut juridique sur certains points. Donc pour résumer, ce hadith a partagé les règles religieuses et l'obligation dans la manière d'agir par rapport à ces règles en quatre catégories: les obligations, les limites, les interdits et les choses sur lesquelles Allah s'est tu. Et on a expliqué pour chacune de ces catégories l'obligation pour le musulman. الحديث الحادي والثلاثون وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة بأسانيد حسنة. Le 31e hadith. Selon Abu al-Abbas, Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi radiyallahu anhu, il dit: un homme vint dire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: ô envoyé d'Allah, dirige-moi vers une œuvre que si je la fais, Allah m'aimera et les gens m'aimeront aussi. Au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre: désintéresse-toi de ce bas monde, Allah t'aimera. Et désintéresse-toi de ce que les gens possèdent, les gens t'aimeront. Ce hadith rapporté par Ibn Majah, sur lequel il y a beaucoup de paroles sur l'authenticité, car toutes les chaînes de transmission rapportées sont critiquables. Ce hadith parle du zuhud, az-zuhud, l'ascétisme. C'est traduit par l'ascétisme, az-zuhud. Qu'est-ce que c'est az-zuhud? Qu'est-ce que c'est que l'ascétisme? En réalité ici, il a été partagé en deux parties par rapport à ses effets. Mais sinon, la deuxième partie rentre dans l'ascétisme aussi. Le fait de ne pas s'intéresser à ce bas monde et à ce que les gens possèdent, c'est de l'ascétisme. Ça rentre dans le même sujet, dans la même définition. Donc l'ascétisme, c'est le fait de se désintéresser de tout ce qui n'est pas utile dans l'au-delà. L'ascétisme, c'est le fait de se désintéresser de tout ce qui n'est pas utile dans l'au-delà. Alors, tout ce qui n'est pas utile dans l'au-delà, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des interdictions. Les interdictions, ce n'est pas utile dans l'au-delà. C'est même nuisible. Il y a les choses détestables qui n'atteignent pas le degré de l'interdit. Elles ne sont pas utiles dans l'au-delà, car elle ne ramène pas de récompense. La personne même peut en perdre. Et les choses équivoques pour celui dont le statut juridique de cette chose n'est pas clair. Ce n'est pas utile dans l'au-delà. On a déjà parlé du hadith de délaisser les choses équivoques. Et la quatrième chose qui n'est pas utile dans l'au-delà, le surplus des choses licites. Le surplus des choses licites. Ce n'est pas utile dans l'au-delà. Donc un ascète, c'est celui qui délaisse les interdits, qui délaisse les choses détestables, qui délaisse les choses douteuses et ambiguës si elles ne sont pas claires pour lui, religieusement, et qui délaisse le surplus des choses licites. On comprend de cela qu'une personne qui n'exagère pas dans les choses licites, peu importe quelles sont ces choses licites, tant que ce n'est pas un surplus, alors on ne peut pas dire cette personne il n'est pas ascète, ou dire c'est un manque d'ascétisme du fait qu'il ait fait telle ou telle chose licite. Donc le simple fait de faire certaines choses licites n'est pas contradictoire à l'ascétisme. C'est ça l'importance le sujet ici. Parfois, les gens, ils comprennent que l'ascétisme, c'est délaisser même les choses licites complètement. À lui, on dit c'est un ascète. Non, ça, c'est pas ça de l'ascétisme. L'ascétisme, c'est délaisser le surplus des choses licites. Il y a des imams parmi les salafs qui avaient de beaux habits, de belles maisons, de belles montures. D'autres qui étaient pauvres. Certains étaient riches, certains étaient pauvres, certains étaient commerçants. Et c'était des ascètes. Pourquoi ? Parce qu'il détestait ce bas monde. Il ne lui donnait aucune importance. Il l'utilisait comme un moyen, c'est tout. Pour faire des bonnes choses. Pour faire des bonnes œuvres. Pour accomplir leurs obligations. Même les choses licites qu'ils avaient, c'était pour se renforcer, pour adorer Allah. Mais dès qu'ils voyaient une chose parmi les choses licites, les détournaient de l'évocation d'Allah, ou les éloignaient des bonnes choses, ou les faiblissaient, ou pouvaient les faiblir, les affaiblir dans l'accomplissement du bien, alors ils les délaissaient. Cette chose, elle est réelle dans le surplus, dans le dépassement. Et ce surplus, il est différent selon les personnes, selon l'époque dans laquelle on vit et selon le lieu dans lequel on vit. Dans certains endroits, à une certaine époque, il y a des choses qui sont considérées comme du surplus dans sa société, qui sont considérées comme le minimum obligatoire dans une autre société. N'est-ce pas ? Donc, ceci revient aussi à la condition dans laquelle on vit. Dans la condition dans laquelle on vit. Donc si on a compris cela, on comprend comment gagner l'amour d'Allah. Et comment gagner l'amour des gens. En étant désintéressé. On n'a pas d'intérêt dans nos, d'intérêt matériel dans nos relations avec les gens. Notre intérêt dans nos relations avec eux, c'est un intérêt auprès d'Allah. C'est la récompense auprès d'Allah. Ou bien, c'est une personne pieuse dont je profite. Un frère en islam avec qui on se conseille, on s'entraide. Ou bien, c'est une personne avec qui j'ai des relations parce que j'ai des obligations avec lui. C'est des gens membres de ma famille. Donc, je tiens mes obligations religieuses vis-à-vis d'eux. Je lis les liens de parenté. Ou de voisinage. Ou de travail, ou autre. Et je profite de toutes ces situations pour mettre en pratique les ordres d'Allah et pour être une cause d'être un ambassadeur de l'islam, un bon ambassadeur. Donc, mes relations avec les gens sont désintéressées. Désintéressées. Je ne cherche pas à savoir qu'est-ce qu'il a chez lui, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il possède, ou à tirer un intérêt de ce qu'il a. Il y a des personnes, subhanallah, elles sont tellement désintéressées, ils connaissent quelqu'un depuis des années, ils ne savent même pas ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'il gagne. Ils ne posent pas des questions comme ça, ça n'intéresse pas. À la rigueur, si ça vient dans la discussion, c'est juste parce qu'il y a un côté religieux qui est lié. Ou parce qu'il veut l'aider. Par exemple, il cherche à savoir des choses parce qu'il a besoin de l'aider. La personne, elle travaille dans un domaine, elle a besoin d'aide, donc c'est pour l'aider, c'est pas pour profiter de lui. Donc, l'important pour le musulman d'être désintéressé de ce bas monde et désintéressé de ce que les gens possèdent. Avec cela, il gagne l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis il gagne l'amour des gens. Effectivement, subhanallah, une personne qui ne te demande jamais rien, il ne te jalouse pas, il veut que ton bien, comment tu peux ne pas l'aimer ? Par contre, quelqu'un, il est toujours là, « Ah, t'as eu cette nouvelle chose ? Ah, bon. Ah, comment ça ? Ses yeux, ils brillent. Subhanallah. » Il a un problème avec sa croyance dans la destinée. Qu'Allah a déterminé une part à chacun. Ce que cette personne a eu et que tu n'as pas eu, tu aurais fait tout ce que tu veux, tu ne l'aurais jamais eu. C'est ça, c'est ta part qu'Allah t'a écrit. Sois satisfait de ce qu'Allah t'a destiné. Et sois satisfait de ce qu'Allah a destiné aux autres. Ne sois pas jaloux. Ne sois pas jaloux. D'ailleurs, l'envie, même l'envie, elle doit être que dans les choses religieuses. Quelqu'un qu'on voit, il fait du bien. Allah lui a donné une science. Allah lui a donné la grâce de connaître le Coran, de le lire, de le mettre en pratique. On l'envie dans le sens, ah moi aussi j'aimerais bien faire comme lui. Pas dans le sens où on aimerait que lui ne le fasse pas. Et moi, je vais le faire. Ça c'est la mauvaise jalousie. On parle de la bonne envie. Celle qui pousse à la concurrence dans le bien. Une bonne concurrence. Pas une mauvaise concurrence. Pas une concurrence où tu fais des pièges à ton voisin ou hein, tu lui fais des croche-pattes. Barakallahu fik. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'amour de l'au-delà et qu'il nous permette d'être des gens qui soient ascètes dans ce bas-monde, qui se désintéressent de ce bas-monde complètement et que leur souci premier, il est dans l'au-delà. Et ce bas-monde, il l'utilise comme on utilise un objet, un outil. Comme toi, tu utilises un tournevis juste pour sortir la vis. Quand on n'a plus besoin, tu le remets dans la caisse et tu fermes. Voilà le dunya. C'est ça le dunya. Il y en a d'autres même qui donnent une image encore plus sale que ça. Que le dunya, c'est juste comme quand tu as tes besoins. Tu rentres dans les toilettes, tu fais tes besoins, tu ressors. C'est ça le dunya. Pour tes besoins. On en a besoin, c'est le monde dans lequel Allah nous a éprouvés. Mais ce n'est pas un objectif en soi. الحديث الثاني والثلاثون وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. Tout ça, c'est les paroles de Nawawi, rahimahullah. Le 32e hadith, d'après Abu Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri رضي الله عنه, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: La darara wa la dirar. Je l'ai dit en arabe parce que je vais le traduire avec des phrases. La darara wa la dirar. La darara, pas de mal, c'est-à-dire on doit repousser le mal avant qu'il arrive. C'est ça, la darara. Non, pas de préjudice. La darar, pas de préjudice. C'est-à-dire, on fait en sorte que le préjudice n'arrive pas. On doit s'en protéger avant qu'il arrive, le mal. La darar, wa la dirar, wa la dirar. C'est-à-dire, ce préjudice, s'il est arrivé, il ne doit pas rester. Il doit être évincé, retiré. La darar, wa la dirar. Donc, pas de préjudice, qu'il soit involontaire ou volontaire. Pas de préjudice avant qu'il arrive. Et une fois que le préjudice est arrivé, il doit être écarté. Il doit être écarté. C'est ça le sens de la darara wa la dirar. Ce hadith est une règle. Une qa'ida min al-qawa'id al-fiqhiyya al-khamsa. C'est une règle, un fondement parmi les fondements de jurisprudence. Les cinq fondements principaux. La darara wa la dirar. Certains fuqaha, ils l'ont donné par un autre titre. Ad-dararu yuzal. Mais ce titre-là, il n'est pas précis comme le hadith. Parce que ad-dararu yuzal, le préjudice est enlevé, est écarté, il ne parle que la deuxième partie du hadith. Il ne parle pas de la première partie qui est on doit s'en préserver avant qu'il arrive. On doit s'en prémunir avant même qu'il arrive. Donc cette définition, cette manière d'exprimer cette règle est manquante. C'est pour ça que c'est mieux de s'en tenir au texte prophétique qui englobe un sens plus large. La darara wa la dirar. Donc certains parmi les savants, quand ils citent la règle dans le qawa'id al-fiqhiyya, ils la citent comme ça. La darara wa la dirar. Ils disent pas ad-dararu yuzal. Ce hadith, il est rapporté par Ibn Majah et il a été rapporté aussi mursalan dans le Muwatta et d'autres. Mais il a plusieurs chaînes de transmission qui se renforcent les unes les autres et on peut dire que c'est un hadith acceptable du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith est un fondement qui montre un principe essentiel en islam. Sous ce fondement, il y a plusieurs sous-fondements. Quand on a compris ce fondement dans la jurisprudence, il y a plusieurs petites règles qui y sont liées. Ce fondement, c'est comme on a dit, c'est qu'on doit tout faire pour se préserver qu'un préjudice nous touche, ou touche les gens. Et une fois que ce préjudice les a touchés, on doit tout faire pour le retirer, l'enlever, l'éloigner, l'écarter d'eux. Sous cette règle-là, il y a d'autres règles. Comme quand il y a deux préjudices et que la personne n'a pas le choix à pas accomplir l'un des deux. Qu'est-ce qu'il fait ? Il doit devancer le préjudice le moins grand. Il n'a pas le choix. Ça, c'est quand réellement, religieusement, il n'a pas le choix. Pas lui dans son esprit. Il y a une personne, il est au travail, il travaille dans le haram, il dit « j'ai pas le choix ». Non, ça c'est toi qui dis que t'as pas le choix. T'as le choix de sortir et travailler dans un autre travail. Nous, on parle religieusement parlant, parfois, tu es dans un cas où tu n'as pas le choix, que entre deux choses nuisibles. Je vous donne un exemple. La personne qui est dans le désert et qui meurt de faim. Il trouve une bête morte. Un cochon. Il trouve un cochon, on va dire. On va aller plus loin. Un sanglier. Dans la forêt, dans le désert, ce sera difficile. Dans la forêt, il n'a rien, il ne trouve qu'un sanglier. S'il ne mange pas, il va mourir. Manger du sanglier, c'est un préjudice. C'est haram. Et mourir, c'est un préjudice. Mais l'islam a considéré que mourir était un plus grand préjudice que de manger du sanglier à mesure de rester vivant. Juste là, ce qu'il faut pour rester vivant. Donc dans ce cas-là, la règle vient pour dire la nécessité rend licite, rend permis, c'est-à-dire ça devient permis de faire des choses illicites dans les cas de nécessité. Pourquoi ? Parce que s'il y a deux préjudices, on ne peut pas... C'est ou il meurt ou il mange. Il n'y a pas un autre choix. Il n'y a pas un troisième choix. Il n'y a pas de troisième choix. Il n'y a que deux choix. Il meurt ou il mange. Donc, le préjudice le moins grand est devancé sur le préjudice le plus grand. Non. Cette règle-là, la darara wa la dirar, c'est une règle essentielle aussi sur laquelle les musulmans se basent, qui est celle de dara'i'a. Fermer les chemins qui mènent au haram. Fermer le chemin qui mène au mal. Fermer les chemins et les moyens qui mènent au préjudice. Donc l'islam, quand il a interdit une chose, il a interdit aussi les moyens pour y arriver. Il a interdit les moyens pour y arriver. Donc, si on met en pratique ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce fondement dans la jurisprudence, on doit faire en sorte de préserver les musulmans de tout préjudice qui pourrait les toucher. Et des moyens qui mènent à ces préjudices-là. Que ce soit des préjudices physiques, des préjudices dans leur personne, des préjudices dans leurs biens ou des préjudices dans leur religion. Al-Hadithu al-Thalithu wa al-Thalathun. An ibn Abbas radiyallahu anhuma, anna an-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وأصله في الصحيحين le 33e حديث le حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit si l'on reconnaissait aux hommes le bien fondé de toutes leurs prétentions et de toutes les plaintes qu'ils portent, les uns ne manqueraient certes pas de revendiquer les biens et la vie des autres. Mais le plaignant est tenu de fournir la preuve et le serment est imposé à celui qui nie la chose. Ce hadith, il y a à la base, il est dans le Bukhari et Muslim, sans la partie qui dit que le plaignant est tenu de ramener la preuve. Mais on le comprend. On le comprend, c'est un sous-entendu. Car si celui sur qui il y a la plainte, il lui suffit de jurer, alors à l'autre, il doit amener la preuve. Ce hadith vient montrer une règle concernant les jugements et les plaintes. Mais cette règle, elle n'est pas dans l'absolu. C'est-à-dire, c'est pas à chaque fois que le plaignant, c'est à lui d'amener la preuve et que celui qui est accusé, il lui suffit de jurer pour être innocenté. Parfois, le plaignant, il peut juste jurer. Et c'est à l'accusé qui doit ramener la preuve dans certains cas, dans certaines situations. Il y a des hadiths sur ça, et les fuqaha, les savants de l'islam, ont détaillé toutes ces situations dans les livres de fiqh, dans les livres de jurisprudence. Mais en général, la règle de base, on va dire en général, de manière générale, c'est au plaignant d'amener la preuve. Mais dans certains cas, quand il y a des éléments renforçant certaines situations, il suffit au plaignant de jurer. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui viennent renforcer la situation. Donc, le fait qu'il jure suffit pour appuyer le reste de ces éléments qui viennent l'appuyer. Donc ça, comme je vous ai dit, ça s'étudie dans les livres de fiqh en détail. Mais en résumé, en général, c'est toujours au plaignant d'amener la preuve. Et l'accusé, il lui suffit. Si le plaignant n'amène pas de preuve, par exemple, il l'accuse d'une chose. Si l'accusé dit « Wallah, c'est faux », c'est suffisant, il est innocenté. Par contre, si le plaignant amène la preuve, et que les preuves sont solides, il peut jurer 1000 fois. Ça n'a aucune valeur. En réalité, moi je conseille à tous mes frères, surtout les commerçants. Bon, ça rentre pas dans le commerce, ça c'est surtout dans les conflits, ça. De bien apprendre les règles concernant le commerce. Parce que, subhanallah, on voit beaucoup de nos frères, ils commercent, mais ils ne connaissent pas le halal et le haram dans le commerce. Ils ne connaissent pas le chapitre du riba, de l'usure, ils ne connaissent pas le chapitre de l'gharar. Pour eux, le haram, ils le résument à certains points. Il y a beaucoup de chapitres dans le commerce qui détaillent d'autres contrats illicites, ils ne les connaissent pas du tout. Ils ne les connaissent pas du tout. Alors, ils croient qu'il suffit que, à ses yeux, le contrat que paraît illicite, il le signe ou il travaille dedans. Donc, c'est nécessaire, comme Omar ibn Khattab le disait, celui d'entre vous qui n'a pas étudié les règles de l'usure et les règles du commerce, qu'il ne s'approche pas de nos marchés. Parce que, sans le vouloir, il va faire du haram. Sans le vouloir, il va faire du haram. C'est pour ça, j'encourage tous mes frères qui commercent d'apprendre les chapitres liés à cela et de questionner. D'avoir déjà une certaine base en lisant ces chapitres-là ou en écoutant des cours sur ces chapitres-là pour avoir une base, une culture générale déjà. Et après, dans les situations précises, questionner avant d'agir. Pas, on a fait le contrat, l'argent a été partagé, après on va voir, cheikh, est-ce que c'est halal? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi maintenant? Qu'est-ce que je fais de cet argent haram? Pourquoi t'as pas demandé avant d'acquérir cet argent? On va s'arrêter là pour aujourd'hui, inshallah. Et il nous reste une dizaine de hadiths. On finira dans les prochains cours, inshallah. Jazakumullah khairan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.